Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net est une radio libre, associative, ou mourir, subventionnée et à but non lucratif. L'émission Nuisance, Nuisance, N-U-I-S-A-N-C-E entre parenthèses S, est une émission à tendance bruiteuse, sinon pire. Bruiteuse comme dans le bruit. Le bruit d'un marteau-piqueur, par exemple. Ou le bruit d'une torpille qui explose. Ou le bruit d'un oiseau qui peine à se dessécher le long d'un canal verdâtre en se perchant sur une branche haut placée, et tout ça toujours avant 21h30, car il est actuellement 21h23. Sur l'antenne Canal Sudienne, au 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, France. Nous sommes le 12, si je ne m'abuse, le 12 décembre 2014. Il se trouve des situations pénibles, ceci en est une. Et nous devons le savoir, tous les vendredis de 21h à 23h, sauf la semaine prochaine et la semaine d'après, car je suis en vacances. Eh bien, Nuisance bat son plein. Son plein de quoi? On ne sait pas. Son plein de rien, son plein de tout, son plein d'émoi, son plein de fatras immondicial. Immondicial, surtout ne pas faire cela. Et là, ça va faire... Non, ça va. C'est cool. Bienvenue. Bienvenue, je vous répète que l'antenne de Canal Sud est à but non lucratif, donc pas de pub, pas de dédicace si possible, c'est payant. Donc, défense de fumée évidemment, et la boisson nous est interdite car nous sommes sobres, sobres, comme la sobriété même, celle qui nous perçoit, blablabla. Oh pardon, je me suis un peu trop lâché là, attendez, je vais recommencer là, voilà, c'est là où je voulais en arriver. Il y a un truc qui se passe, mais pas tout à fait maintenant. Ah merde, là il y a un truc qui va pas là. Moi, je vais recommencer avec zéro plutôt. Zéro en travers de la gorge, ou toujours plus loin peut-être. Oh merde, ça y est, je comprends plus rien. Bon ben, on va faire une petite pause le temps que je retrouve mes mains. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, il y a des ondes parasitaires. Ça reste l'émission peut-être Nuisance qui s'échauffe, qui s'élance. Peut-être. En tout cas, nous vous invitons à nous suivre toute la soirée. Allez, ciao. Anaconda, j'y paye mal. De London, moitié gascon. Ces platines sont en granit, les diamants sont en silex, celui qui est en point de l'index, j'y paye mal le reggae man. Des amis à tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Re-bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nous sommes le vendredi 12 décembre 2014 et il est 21h43 sur l'horloge de Canal Sud. Vous êtes les malvenus dans l'émission Nuisance qui elle-même est malvenue. Peut s'exprimer ainsi. There's something about nothing that just don't get there. Just use what I mean, you know? Thank you. Je m'éclaircis la gorge, tout ça pour vous annoncer, oui, vous annoncer le début de l'émission Nuisance pour la troisième fois pour ce soir. Effectivement, Nuisance débute. Et la folie est proche de s'énerver. Viens, folie, t'énerver avec moi, folie, viens t'énerver. Et le temps. Et de notre côté. Thank you. some sesame. Sesame puit. It's about 10:20 now, and I can say shit and fuck off everybody, and I can say fuck me and asshole and cunt wiping, shitty fucking moldy ass licking puss. Like puss. You know? Du pu. Vous voyez ce que je veux dire? Du pu. Et c'est à ce moment précis que les enfants sont couchés et que je peux dire merde à la vie. Dans nuisance. L'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vous êtes des malvenus toujours. Et vous le savez très bien. Thank you. personne ne dit rien, car personne n'a rien à dire, voyons. Non, c'est, en fait, y a, non, on peut parler, hein, c'est pas ça. Hein. Non, vous pouvez dire des trucs, hein, c'est juste que... Enfin, il faut rien dire, c'est tout. Surtout, ne dites rien, mais vous pouvez parler. Hein. Vous, c'est la liberté, quoi, vous avez le droit. Spoons are like arpeggiators. They never stop. They just never stop. Just never stop. Une fois, pas deux. Ah, faut recommencer. Voudrait remercier tout le monde en nuisance, qui voudrait remercier tout le monde en nuisance, qui voudrait remercier tout le monde en nuisance, qui voudrait remercier tout le monde en nuisance, qui voudrait remercier tout le monde en nuisance, qui voudrait remercier tout le monde en nuisance, qui voudrait remercier tout le monde en nuisance, qui voudrait remercier tout le monde en nuisance. You're welcome. Yeah, so like the other day I was like walking down the street, you know, and there's this guy just looking at me, just fucking looking at me. You know? I mean, what the fuck? Can't even just hang out in the street and people start looking at you. Man, this is not to lose. This is not born to lose, man. This is born to win. To win. Yeah, I want money, man. I want money. I want it. I want the cream. Cream de la cream, man. I want it all. Give it to me. I'll take it. I'll take it by force. That's how I am. I'm a violent human being. I'm a piggy wiggly. I'm a piece of sausage, but I got a grinder up my ass. It's like it just keeps peeling away the mucus and the humus, should I say, of my rectality. Is, in a sort of way, enchanting, you know? Et tout ça pour dire que, au final, c'était une introduction. Une longue et pénible introduction pour un sujet que l'on va aborder. Et c'est rare, en nuisance, c'est rare d'aborder des sujets. Alors, nous allons tenter. Essayons. Ensemble, d'aborder un sujet. À vous les studios. Donc oui, comme annoncé la semaine dernière, le sujet justement c'est la privation de sommeil. Ce qu'on appelle dans le vocabulaire médical l'agrypnie. Le fait de ne pas dormir. Et ce qui m'arrive très souvent. Depuis un certain temps, je fais au moins une nuit blanche par semaine. Ces dernières années, c'est clairement lié en partie à la consommation d'héroïne qui m'a amené à augmenter la fréquence de nuits blanches et également de nuits blanches consécutives. Pourtant réputée pour créer et induire la somnolence, elle a la propriété de maintenir éveillée cette drogue, paradoxalement. Ainsi, une soirée se prolonge aisément jusqu'au petit matin. Et ensuite, on bascule rapidement vers la poursuite de la journée suivante. Il s'agit donc maintenant d'essayer de savoir jusqu'où ça peut mener et quels sont les symptômes. Syndrome. Ouais, syndrome. Peut-être même. Bref. Brof. Alors moi, personnellement... La première nuit blanche passe assez normalement, sans rien de spécial. Et c'est plutôt vers le début de la deuxième nuit blanche que des effets étranges commencent à se faire ressentir. D'abord, on a l'impression qu'on va s'endormir, mais un simple déclencheur, une excitation, une activité ou un trait de cam va effacer ce coup de fatigue et hop, c'est reparti pour un cycle. Et par exemple, ça peut être... Merde, je vais m'endormir. Ça peut être la narcolepsie aussi, le sujet de ce soir. Parce que l'incohérence est toujours là dans nuisance. Ah bah oui, on est là pour nuire. Alors, puisqu'on parle de privation de sommeil, moi je vais parler de narcolepsie. Ouais. Ouais, c'est pas très radiophonique, mais ça passe quand même. C'est du bruit. Narcolepsie. Ouais, privation de sommeil. Des cendres. On ressent donc une sorte de fébrilité, l'impossibilité de rester immobile et une confusion dans les idées. Tremble. On peut juste exécuter mécaniquement les tâches du présent. Nervosité. Nervosité, ouais. Agacité. Sagacité. Agacité. Hein, ça veut dire quoi? Agacement. Ah, pardon. Capacité à s'agacer. Désolé. Non, néologisme flagrant, onomatopée, évidente. Oui. Et également l'aveuglement. La fatigue. Bon merde, je cale complètement. La fatigue, l'aveuglement. Non? Enfin. Bon, je crois que le mieux c'est de faire une petite pause. Pause toi. Désolé. Quoi faire ? Peut-être que ce serait plus simple de commencer en discutant. Enfin, c'est pas facile. Pour trouver une sorte de... Bah vas-y. De fil conducteur. Ouais voilà, de fil conducteur. Non mais le fil conducteur il est là, c'est le thème. Et le thème c'est la privation de sommeil. Oui. Et là on a abordé le sujet de ce que ça entraîne. Voilà. Et la cause de la privation de sommeil c'est pas que la drogue. Absolument pas. C'est une volonté peut-être. C'est... Excuse-moi pour les fonds sonores que je vais devoir, je me sens obligé de les placer. Ah c'est très bien. D'accord. Ouais ça me convient. Ça dépend des activités. Voilà. Ou de la non-activité. Volontaire. Ouais, volontaire. La non-réflexion. Alors, chez moi, ça correspond aussi au fait qu'il y a une période de la nuit, à partir de 3-4 heures du matin, où il y a un regain de l'activité intellectuelle, et une sorte de dynamisme qui est d'ailleurs, je crois, le plus élevé de la journée. Et donc qui donne envie de créer et donc de veiller. Et en effet, c'est indépendant de la drogue. Et au début, c'est juste une bonne énergie qui est même dynamisante. Et puis petit à petit, en effet, les nerfs, à force de nous porter, finissent par crisper. Et donc c'est ça, oui, on peut plus vraiment s'asseoir. Déjà, on parle de soi. Et on peut pas se poser. À la première personne du pluriel. Se poser. On peut pas se poser quand on peut pas dormir. Parce que se poser, c'est dormir, se reposer. C'est dormir. On ne peut pas se poser. Dormir, on peut pas se reposer. On n'arrive pas à se reposer quand on n'a pas envie de dormir. Quand on a oublié qu'on peut dormir et qu'on doit dormir. C'est plutôt ça, ouais. Oublier qu'on peut dormir. Ouais. On a oublié qu'il faut manger et le ventre il s'en souvient plus. Il gronde même plus le ventre. Il gronde même plus. Corée fibrillaire de Morvan. Un cas a notamment été rapporté au cours de cette maladie rare avec 4 mois sans sommeil, sans trouble de la mémoire, ni de l'attention, mais avec des hallucinations nocturnes importantes. Ça, je comptais en parler un petit peu plus tard. Mais... Intervention inopinée, inopportune certainement. Non, c'est pas très grave. La vie. Je comptais même parler en fait plus précisément d'une autre maladie très très rare qui s'appelle... L'IFF, l'insomnie fatale familiale. Alors c'est un truc qui arrive rarement. C'est génétique. Et on en a parlé pour la première fois en Italie en 1986. Il y a quelques familles en France. L'âge moyen d'apparition des symptômes est entre 18 et 60 ans. Et ça commence par de simples insomnies, plus l'incapacité de dormir dans la journée. Et ensuite on trouve plus du tout le sommeil. Et on n'a aucun traitement pour ça et on peut rien y faire. Et là, c'est un des rares cas où on a pu constater des morts par manque de sommeil. Épuisement, mort d'épuisement. Manque de sommeil. Après 6 à 32 mois de privation de sommeil. Sommeil, pas de sommeil, épuisement, mort. Ouais. Mort par manque de sommeil, privation de sommeil, mort. Ouais, 6 à 32 mois. Mortel. Ensuite, il y a des cas où des gens sont morts beaucoup plus rapidement, mais c'est parce que c'est plutôt l'épuisement qui a déclenché des problèmes sous-jacents, comme des crises d'épilepsie ou. d'autres trucs. Et il y a quelque chose à propos du sommeil qu'on n'a pas dit, c'est les rêves. Et les rêves, quand on les a plus endormis, on les fait éveiller. Ouais. Ah, ça peut être un problème. Ça peut être intéressant aussi. Très intéressant. Problématique. Très problématique. Le réel disparaît. Bah moi ça me posait pas de problème vu que je pouvais contrôler. Ne disparaît pas. Il disparaît pas vraiment. C'est l'irréel qui se fond dans le réel. Et ouais. À quoi on voit la différence entre illusion et réel? Bah, parce qu'on est mal, si ça se fond justement, on voit plus la différence. Bah alors moi, personnellement, c'est quand je suis dans le bus, par exemple, extrêmement fatigué, je me laisse bercer par le trajet, quoi, à travers la ville, et je coule lentement dans le sommeil, mais tout en étant encore conscient de mon environnement. Et c'est là que ça se déforme, très légèrement, la réalité. La femme en face de moi qui parlait légèrement se décale vers la 50 cm à peu près vers la droite quand je commence à m'endormir. Et plus je m'enfonce dans le sommeil, plus ça se déforme. Jusqu'à ce que par exemple, elle ait une voix beaucoup plus grave avec une tête de lézard par exemple. Mais dès que je me réveille, parce que c'est pas encore du sommeil complet, j'ai quand même le choix de pouvoir me réveiller, tout revient en place automatiquement. C'est l'espace qui se transforme un petit peu. Voilà, c'est moi, c'est ce que j'avais moi. Et c'était une déformation de l'espace ou c'était une illusion qui se plaquait sur le réel? Bah, c'est une illusion qui se plaquait sur le réel. Ça va, et une déformation de l'espace, oui. Du coup perçu quoi. Mais en fait il n'y en avait pas de déformation de l'espace. C'est ben juste non. Une perception illusoire quoi. On y en a pas. Oui, il s'agit, d'un rêve. Une pure reformulation. Et toi? Tu disais que ça t'intéressait aussi. Quoi? C'est très intéressant de, que le rêve se fonde dans la réalité. Surtout quand on en a conscience et qu'on peut l'apprécier, ça rend la réalité beaucoup plus grande, les perspectives de plaisir visuel et auditif beaucoup plus vastes, et on peut prendre un grand plaisir à naviguer dans le monde réel avec tout son imaginaire beaucoup plus présent visuellement. Voyage, voyage. C'est une sorte de jeu à un certain niveau. Et le voyage, c'est intéressant parce qu'on est toujours en mouvement, genre. Même si on se pose un peu, c'est temporaire parce que le voyage, c'est justement le mouvement. Puis il y a toujours quelque chose. Le déséquilibre tout le temps de l'être qui se cherche, qui cherche en tout cas un endroit où se poser pour temporairement se poser le cul. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que. Bitch at Q, pardon. Ah ouais, nuisance, moi je suis là pour peser le pour et le contre de l'incohérence qui ne prend pas le dessus sur l'illusoire, justement. L'illusoire est bien là, prégnant. D'accord. Pas. Bon. Parce que par manque de sommeil, je délire, et oui. C'était laborieux comme introduction, mais merci. Et ensuite, après ces longues phases de privation de sommeil, pour ma part, ça peut aller jusqu'à 3, peut-être 4 maximum, nuit blanche. C'est-à-dire 5 jours. Et 4 nuits. Eh bien, ça devient très compliqué et très étrange quand on s'endort. Il y a plusieurs tentatives qui sont faites, vu qu'on voit qu'on peut absolument rien faire d'autre. Soit on somnole par petites phases, mais c'est pas encore le sommeil, on se réveille assez rapidement. Et quand on commence à plonger dans le vrai sommeil, automatiquement le corps te rejette dans l'éveil. Ah ouais, comme une expulsion. Quand tu commences à sombrer, tu tombes, et tout d'un coup, comme une espèce de choc. De chute. De chute et de... De rechute. De peur presque, comme si j'oubliais de respirer ou comme si mon cœur m'envoyait une décharge. Qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là ? Et j'ai l'impression de... Oui, de ressusciter d'un coup sec, et donc j'ai pas réussi à m'endormir. Peut-être si peu, quoi. Il y en a qui disent que la relaxation profonde, ça rapporte mieux que le sommeil. Bah ça, j'ai pas essayé. La détente. La queue de détente. La détente. La queue de détente, c'est-à-dire. Appuyer avec l'index sur la queue de détente. La queue de détente, c'est genre la gâchette, quoi. C'est ça. Ouais. Ah. Le sommeil ultime. Auto-infligé, c'est non souhaitable. Ou gênant. Bon, hors sujet. Non, c'est en plein dedans. C'est vrai que. T'inquiète. Je filtre avec mon paratonnerre dans la salle de bain. Je filtre avec mon paratonnerre dans la salle de bain. Bon, je vais plutôt parler des expériences que j'ai recueillies parmi des gens, quoi. Donc, je vais parler par exemple d'Alpha, 22 ans, qui évoque un souvenir de 4 nuits blanches consécutives. Lui, c'était sous amphétamine. Et au fur et à mesure des nuits blanches, les effets propres à la privation de sommeil s'accentuent. Passé une première nuit blanche où il n'y a pas d'effet notable, la deuxième se caractérise chez Alpha par des couleurs qui lui apparaissent plus flashy, lumineuses. Intense. Passé une troisième nuit blanche, les effets sont à la fois visuels, vision déformée, notamment dans la vision périphérique. Par exemple, Alpha perçoit un chaton dans le côté de son champ visuel quand il ne s'agit que d'un tas de torchons. Il imagine des présences, des personnes qui sont parties depuis un moment de la pièce, mais qui lui apparaissent présente à ce moment-là, et des hallucinations récurrentes, un ressenti physique aussi, des frissons, mais les effets sont aussi auditifs. Alpha perçoit la sonnerie fantôme de son téléphone, des klaxons, et enfin, après la quatrième nuit blanche, les effets de la privation de sommeil dépassent et éclipsent totalement ceux induits par les amphètes. Difficulté à s'endormir, état nerveux électrique. C'est ça, Alpha ? Oui, c'est ça. Bon. Il y en a un autre, bravo, 22 ans aussi. Lui, il dit que il a ressenti ces effets-là lors de diverses nuits blanches. Et d'ailleurs, que les nuits blanches répétées ne sont pas nécessairement les plus caractéristiques. Alors, déjà, il a les hallucinations visuelles de transformation d'objets et d'apparitions toujours dans la périphérie de la vision. Et il porte un regard sur les choses qui est différent. C'est dommage qu'il soit pas là pour préciser, mais bon. Un regard différent, genre... Il appréhende les objets de son entourage d'une manière nouvelle. Bon, il a aussi des hallucinations sonores, d'une sorte de monologue intérieur, une voix amplifiée dans les oreilles, et ouais, il entend les choses qu'il pense. Et il dit que tout dépend réellement de l'état de fatigue, mais plus ça augmente, plus naît de l'incompréhension. Et il dit que ça fait mal d'aller dormir, ça fait peur, parce que le cerveau bouillonne, il y a trop de de choses à faire et tout ça, des mouvements lents, des réactions retardées. Je trouve que c'est bizarre quand on essaie de s'endormir. C'est d'ailleurs l'envie de dormir qui est la plus chiante, dit-il. Il ressent vers 3-4 heures du matin un seuil de fatigue. Oui, après manger, un coup de fatigue aussi. Mais lui aussi dit que s'il arrive à passer ses caps de fatigue, ça repart sur tout un cycle. Alors, voilà. Je suis complètement crevé. Mort, cadavéreux. Il a des sensations de chaud et de froid, des suées. Ça ressemble à autre chose que la privation de sommeil. C'est l'angoisse, toutes les barrières tombent. Il dit que le cerveau chauffe, il a des migraines. Plus de protection, quoi. Tout s'active dans tous les sens, on perd le contrôle. Lui aussi parlait de rêve éveillé. Nerveux. On n'a pas ces bravos sous la main. Privation de sommeil. Mourir éveillé. Je fais de mes fichiers. Saleté de fiche. Sale fiche. Ah, voilà. Mauvaise fiche. Oui, c'était bravo. Bon, alors ensuite il y a Charlie, 24 ans, et qui précise et distingue les passages de privation de sommeil selon différentes drogues consommées. Il dit que ça varie. Si c'est de l'acide lysergique ou de la MDPV. Donc, par exemple, avec du LSD, il a plus l'impression de perdre son ego, perte de personnalité. Mais par contre, l'esprit logique et analytique est toujours bien actif. Tandis que avec les selles de bain, c'est toute la logique qui s'envole et ça finit en grosse psychose nerveuse. Bath salt. You got any bath salt, man? You got any bath salt, man? Il décrit lui ses hallucinations visuelles. Oh, et puis ça me fait chier. Pourquoi ça te fait chier? Vas-y, mec. On a foutre, moi. Chier. C'était bien, là. Alors, décrit ses hallucinations visuelles, c'est quoi alors? Les hallucinations avec PV, là, c'est quoi cette histoire? Ça m'intéresse. Alors Lui, il insiste plus sur des espèces d'ombres qui seraient mobiles. Ah, genre de la mouvance dans l'obscurité, quoi. Une perte de... Ouais, grosse diminution de la vision, de toute manière. Champ visuel rétréci. Et perte de la capacité de lecture. Ouais, interprétatif, erroné, ou non là. Formulation. Perte de conscience finalement, mais éveillé, quoi. Le truc, le cerveau il s'éteint, quoi. On est encore là ou pas à ce moment là en partie? On est encore là ou on est juste des enveloppes? C'est une diminution crevées. De la réactivité. C'est un délai de réaction qui est fortement augmenté. Crevé. Et décuplé par le manque de focal. Bon, on se refait une pause là. Ouais, si tu veux. a quelque chose en nous de Tennessee. Oui, quelque chose en nous de Tennessee. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Tennessee. Buzz balls. So I was talking about his hole. Holy shit, you know. So I was about the lack of sleep. Deprivations. Depriving oneself of own sleep. Just one's own sleep time. Depriving oneself of one's own sleep time. That's what it's about. Pourquoi c'est volontaire? To be punished. I'm gonna spank you. I'm gonna spank you now. You're a bad boy. Come with me now. You will be punished in the corner. In the corner, you're a bad boy. A bad boy. Please be punished. Feel punished. Punished. We are all punished. Punished. We are all punished. It's a fucking shame, too. Prendre du coup. Pourquoi pas après tout. Avec une petite citation, enfin on va vous lire une petite revue là. Donc du coup ça s'appelle La privation du sommeil de Jean-Louis Vallat, médecine et hygiène, écrit en 1988. Donc résistance à la privation de sommeil. La résistance à la privation de sommeil n'a pas fait l'objet de publication. Une hypothèse devrait être testée. Est-ce que les petits dormeurs sont plus résistants à la privation que les gros dormeurs? Les associations de privation paraissent diminuer la résistance. La privation de lumière, obscurité, cagoule, etc. La privation de sons extérieurs qui amplifient les sons internes, cœur, articulation, intestin, sont très mal supportées. Les conditions psychologiques influencent beaucoup la résistance. R. Siegel a fait une revue de 30 cas de prise d'otage. Ces personnes soumises à l'isolement, à la privation de lumière et à la restriction de mouvement peuvent présenter des hallucinations visuelles survenant en quelques heures si toutes ces contraintes sont accompagnées de menaces de mort. L'association de privation de sommeil avec l'administration de psychotropes a très peu été étudiée. Pardon. Les benzodiazépines posent des problèmes médico-légaux. En effet, associées à l'alcool, elles entraînent une très forte suggestibilité accompagnée d'amnésie lacunaire de quelques heures. La résistance est très augmentée si le sujet peut dormir quelques heures. À la fin de la privation, le phénomène de rebond est observé. La durée de sommeil est fortement augmentée, des troubles disparaissent pour la plupart après 1 à 2 jours de sommeil. Des commentaires peut-être sur cette magnifique étude. Ouais, c'était dense quoi. Ouais. Ah, c'est pas mal de faire des recherches sur des prises d'otages. Ouais. C'est assez intéressant. Être les conditions optimales. Ouais, que selon le niveau de stress, ça change. Et puis c'est peu commun. Ouais, c'est ça. Alors, on a des trucs sur les effets de la privation, des effets variables selon les individus. L'étude génétique et les notions de petits ou gros dormeurs sont trop récentes pour qu'elles aient été prises en compte dans l'étude des effets de la privation. Les études se manifestent dès 24 heures de privation. Privation totale de sommeil, les durées des expériences contrôlées. Attendez. La durée des expériences contrôlées varie de 1 à 11 jours, 264 heures. Les effets sont multiples et leur intensité est fonction de la durée de privation et de l'état de stress du sujet. 1. Les troubles de l'humeur sont les premiers à se manifester. On observe une irritabilité et une irascibilité croissantes, une alternance rapide, quelques minutes, d'euphorie et de dépression, parfois une indifférence à l'environnement avec le désir de rester seul. En 2, instabilité psychomotrice, la personne ne peut rester immobile, elle éprouve le besoin de se déplacer, de changer de place, de position, debout, assise. De ce fait, elle a des difficultés à fixer son attention. Ouais, c'est ce qu'on... Ouais, qui empêche un peu de se disperser. Fatigué mais impossible de dormir à cause de notre corps. 3. Les troubles de la sphère visuelle sont multiples et variés. Sensation de brûlure, de picotement oculaire. L'observation montre une hyperphénie conjonctivale, les yeux rouges. Le sujet voit du brouillard autour des lumières, parfois diloptie. La lecture est alors difficile. Changement de forme des objets. Le sujet a l'impression que le sol ondule, que les lumières clignotent, que les objets bougent rapidement dans le champ visuel latéral. C'est ça, c'est cool. Hallucinations vraies. Elles peuvent survenir dès le 3e jour de privation. Bah, c'est ce qui arrivait à la plupart des témoignages des gens ici. Au début, le sujet critique ses hallucinations, puis il y croit de plus en plus. Ses hallucinations sont particulières. Le sujet voit des fils, des cheveux qu'il cherche à enlever. Il croit voir des fourmis, des vers sur sa peau. C'est vrai que ça, j'ai déjà eu ça. Les cheveux que tu cherches à enlever. Ah, c'est très proche d'une expérience à la cité. Des sentiments pour la langue. Des troubles somesthésiques. Dysesthésie, la personne perçoit des fourmillements des extrémités, mains, pieds. Au niveau de la face, elle a l'impression d'avoir un chapeau très serré, des trémulations des paupières et au niveau des membres sont observables. Les tests mettent en évidence une augmentation de la sensibilité à la douleur. Les troubles auditifs sont très inconstants. Le sujet entend des bruits paraissant lointains, sifflements, cloches. Ouais, pareil, les sonneries téléphones ou les... Désorganisation de la pensée. Les troubles se caractérisent par un ralentissement de l'idéation entraînant une parole lente et basse. Comme toi actuellement. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est carrément ça. Aux questions posées, la réponse est longue à venir, comme si le délai de réflexion était augmenté. Comme moi. Des difficultés à trouver le mot correct, les phrases restent inachevées. Le sujet a des difficultés à garder un raisonnement logique, il perd le fil logique du discours. Des outils, des faits récents, il existe une certaine... Une certaine amnésie antérétrograde. De plus, les personnes privées de sommeil éprouvent des difficultés à se projeter dans le futur. Amnésie du futur. Ça veut dire, je crois, antérograde, ça veut dire genre, c'est juste avant quoi, juste ce que tu viens de faire quoi, genre, je crois que c'est ça. No future. Du coup, elle se préoccupe essentiellement de la routine quotidienne, une confusion, une désorientation temporo-spatiale après 5 à 6 jours de privation. Je sais pas si tu veux prendre la suite peut-être ou... sur les signes pour reconnaître. Ah oui. Si vous voulez détecter quelqu'un qui était privé de sommeil, par exemple parmi vos employés, et bien le faciès de la personne privée de sommeil a été décrit sous le nom de syndrome de Mindenti, c'était un évêque tchèque, caractérisé par des cernes importantes au niveau des paupières, des yeux rouges et des trémulations des muscles de la face, principalement des paupières. La base. Le comportement doit attirer l'attention. Le sujet est prostré, indifférent. Il manifeste une instabilité psychomotrice et une certaine irritabilité aux questions posées. Donc essayez de le taquiner un petit peu, vous allez voir. Le sujet parle à voix basse, nécessitant de faire répéter. La personne se frotte les mains, les bras, le front. C'est le témoin de dysesthésie. Vous pouvez lui rechercher les autres signes, troubles visuels par la lecture, faire attention aux éventuelles hallucinations, une tachycardie, une hyperthermie, perturbation de la notion du temps, et bref. La présence de plusieurs de ces signes permet d'évoquer la privation de sommeil sans qu'il soit une preuve formelle. Ouais, ouais. Si on veut. Ça reste bien vrai. C'est marrant, les effets lactucité, c'est proche des effets de décamé, quoi, d'être toujours effacé, irritable. Ouais. C'est assez proche, quoi. De... Très similaire. Se frotter irritable. Les mains aussi. Là, maintenant, il faudrait savoir comment faire la différence entre un camé et un privé de sommeil. Sachant que ça va, c'est bon. La constipation. Ah ouais, voilà. Il faut regarder les selles et rien trouver. Bon bah voilà, hein. Ouais. Tout est dit, tout est fait. Normalement j'avais une petite discussion avec Al, mais qui a eu lieu déjà en début. Ah bon, on n'a pas discuté si longtemps que ça. Donc... Allez, discutez. On va discuter sur la privation de sommeil. Donc narcolepsie, j'ai laissé tomber, c'est trop vaste. La privation de sommeil, c'est plus réduit. Ça n'élimine que tous les champs en fait, finalement, à part celui de la privation de sommeil. Donc je crois que le champ à explorer, c'est celui-là, quoi. J'aimerais introduire donc le point de vue qui est mien par une citation. Le bonheur réside dans la pratique. Donc c'est une citation de Marquis de Sade, également une citation de Bouddha. Donc le bonheur réside dans la pratique. Du sommeil, de l'absence de sommeil, de la vie, de la mort, ah que sais-je, poésie que tout ça. Métaphore, onomatopée, ah, ouh, oh. Mais débat, il n'y a pas. Discussion, il peut y en avoir une. Dialogue aussi. Je suis d'accord. T'inquiètes ? Ah, je ne m'inquiète absolument pas. Ah. J'écoute. Pourquoi ce sujet ? Je me pose une question. Ça, c'est très con. C'est quoi, ça me fait penser à moi. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Canal Sud. S'il y a des canettes partout, c'est ça, je veux dire. Et en plus, nous on boit pas de Red Bull hein, à Canal Sud. Interdit la pub pour le Red Bull dégueulasse. Là. C'est de ma faute, c'est de la... C'est la vodka. Ça, c'est les vodkaïstes. Dès qu'il y a de la vodka, on met du Red Bull un peu partout. Mais c'est pas pour ça qu'il faut absolument prendre du sirop de cerise pour se sumecter le front avec. Même de baiser dégueulasse. Je préfère carrément les cendres. Je suis un peu fatigué, ouais, désolé, excusez-moi. Oui. Je suis un peu privé de sommeil également. Ça doit se voir à mes yeux, mais c'est pas très radiophonique les yeux alors. On va écouter la voix. La voix d'un privé de sommeil. Faire une petite sieste d'une heure et demie. Pas fait grand chose comme sommeil là dernièrement. Aïe aïe aïe. Et manger aussi, c'est important de manger. Et quand on prive de sommeil, on a moins faim après. Et on s'épuise deux fois plus. Et tout semble épuisant. Épuisant. Et en même temps, t'es là. Oh, tu sais, j'ai rien d'autre à foutre que de rester éveillé quoi. bonsoir encore et une dernière fois. Vous écoutez Canal Sud de 92.2 FM et je suis tenu à vous le rappeler, toute la demi-heure. Canal Sud 92.2 FM, tenu légalement évidemment, sinon je le ferai pas, je me prendrai pas la tête. Et vous écoutez Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Le téléphone est le 05 61 53 36 95 et l'adresse le 40 rue Alfred Dumery, 31400 Toulouse, France. Le site internet de Canal Sud est le www.canalsud.net et je vous invite à nous écouter tous les vendredis de 21h à 23h et à d'autres moments où vous pourrez trouver la grille sur le site, la grille hebdomadaire du programme Canal Sudien. Je voudrais remercier tous les participants et participantes de cette émission qui permettent notamment de faire vivre ce lieu et ce créneau horaire de vendredi 21h-23h à Nuisance. Et ça va être la fin. Merci. Il faut savoir où ce petit cheval a été découvert, oui. Monsieur Kirby. On va le demander à Carlos. I knew you had a secret. Everybody has one. It's no secret.